Examen critique, sous le point de vue catholique, du voyage en Orient de Monsieur de Lamartine. Annales de philosophie chrétienne numéro 60 du 30 juin 1835. Considération sur le déisme et sur les faiseurs de religion nouvelle. La jeunesse chrétienne de notre époque, et nous pourrions dire de notre école, si nous avions la mauvaise prétention d'en former une, se trouve dans une position assez embarrassante, et qui lui est faite autant par ceux qui ont la même foi, que par ceux qui ne l'ont pas. Parce que nous soutenons que les sciences reviennent à la religion et que les esprits se rapprochent de nous et de nos croyances, parce que nous espérons que des temps meilleurs se lèveront pour la société et pour l'Église, quelques esprits, droits d'ailleurs et estimables, mais timorés et craintifs outre mesure, et ignorant en général le véritable état de la science et des esprits, en prennent occasion de nous accuser de vouloir faire évanouir le christianisme dans je ne sais quelle religion de raison et de mysticité vague, qui n'a ni règle pour l'esprit, ni morale fixe pour le cœur, et qui, surtout dans la pratique, s'affranchit complètement de l'Église et de son autorité. Ces accusations sont graves, et méritent réponse de la part de ceux à qui elles s'adressent. Que chacun s'examine et réponde pour son compte. Pour nous, nous avouons que des livres tels que celui de Monsieur de Lamartine rendent ses reproches fondés, et des explications nécessaires. Nous espérons que l'on sera satisfait de celles que nous avons déjà données au commencement de cet article, et de celles que nous donnerons encore. Aussi avouons-nous la nécessité de nous prémunir contre ces esprits rêveurs et philosophiques, qui, s'apercevant que le christianisme gagne, et que le flot du siècle va là, en profite pour faire de l'esprit, des systèmes et des livres sur le christianisme. Bien plus, nous prenant pour des enfants abandonnés qui ont besoin d'un maître, ils se sont mis à ramasser dans leur esprit quelques-unes de ces mille pensées qui germent en ce moment dans l'esprit de tout le monde. Et les formulant dans un style plus ou moins agréable, ils nous les ont jetés à la tête, en se posant chef sans que nous les ayons demandés, et en nous supposant leurs disciples, sans savoir si nous les approuvions. C'est entre ces deux écueils que nous avons à naviguer. Il s'agit pour nous, en ce moment, de calmer les appréhensions des uns, et de faire rentrer à leur place les insolentes prétentions des autres. Nos paroles ne seront pas douteuses, ni notre marche chancelante. Aussi nous aborderons sans hésiter la question principale, celle que Monsieur de Lamartine semble n'avoir pas vue, ou qu'il n'a pas voulu traiter, et qui est celle cependant qui fait le fond de la difficulté. Nous voulons dire l'autorité de la raison et celle de l'Église, le déisme pur, c'est-à-dire sans l'Église, et le christianisme pur, c'est-à-dire avec l'Église. Nous posons nettement ces deux questions, car nous croyons qu'il est de toute nécessité de déblayer le terrain de ces hommes demi-chrétiens et demi-déistes, qui choisissent au hasard un lambeau de dogme d'un côté, un lambeau de morale de l'autre. Selon l'auteur qu'ils ont lu à la dernière parole qu'ils ont entendue, et en composent ce qu'ils appellent une religion. Or, nous le disons sans hésiter à la jeune génération. Pour savoir ce qu'elle fait, pour connaître toute la portée de ses actes en religion, elle doit d'abord faire acte d'homme. Elle doit rejeter bien loin d'elle l'autorité de l'exemple de ces hommes qui font une religion, et veulent la lui imposer. Or, suivant nous, cette manière de s'effacer, de s'identifier aux autres, est lâche, honteuse, perfide. Elle nous cache notre position, sans en atténuer la culpabilité. Il faut absolument suivre notre raison, c'est-à-dire, nous faire à nous-mêmes notre religion, notre morale, notre Dieu. Nous établir hardiment la mesure des choses, ou bien suivre l'enseignement de l'Église. Nous pouvons nous tromper sans doute en croyant à nous-mêmes, mais au moins c'est une faute ayant encore quelque élévation. C'est celle d'un chef, d'un roi, d'un fils révolté. Dans cette position, il ne s'agit plus que de mesurer nos forces, à savoir si nous avons les reins assez forts pour soutenir le combat. Après tout, ce ne sera jamais qu'une lutte contre Dieu lui-même. Nous imiterons l'ange de lumière, au risque de l'entendre, au sortir de ce monde, nous saluer en frère, et nous dire avec un rire sardonique, « Je vous l'avais bien dit, que vous seriez comme des dieux. » Genèse 3, 5. Mais abandonner sa foi et l'autorité de l'Église, mais renoncer à notre raison pour suivre la raison, les rêveries, les illusions d'un autre homme, misérable, faible, ignorant comme nous, être ainsi sa doublure, son esclave. Lui livrer notre âme pour qu'il y dépose un Dieu nouveau, fruit incestueux d'une fécondation contre nature, et ainsi nous tromper de Dieu, de ciel, d'enfer, d'éternité. Oh, non, c'est trop ignoble. Aussi est-ce avec une profonde pitié que nous considérons toute cette génération philosophique du XVIIIe siècle, nombreuse encore de nos jours, laquelle s'avance à l'encontre de Dieu, fière, fanfaronne, audacieuse, se posant comme ennemie de l'Église, mais sans aucun signe propre et sien sur le front, sans savoir ce qu'elle est, ce qu'elle veut, pourquoi elle est l'ennemie de l'Église. On serait en peine de dire ce qu'elle est, si on ne la voyait marquée sur les deux épaules de deux noms fameux, ceux de Voltaire et de Rousseau. Nous l'avouons, les termes nous manquent pour qualifier tant de lâcheté jointe à tant d'insolence. Arrière de nous donc, cette foule de faiseurs de religions nouvelles, de fabricateurs de dogmes, niais apôtres d'humaine divinité. Notre raison est l'Église, notre Dieu est celui de l'Église. Là doit être le combat. Combat noble, élevé au grand jour. Quant à la victoire, reste à savoir qui la remportera. Essayons seulement de bien connaître les deux champions. Nous, tombés nus, il y a quelques années, du sein de la femme, borne mystérieuse, obscure, infranchissable, d'où part forcément notre carrière, ramassée et conservée à la vie par les soins d'autrui. Pendant notre première enfance, nous avons été esclaves de corps, d'esprit, d'âme, et esclaves de nécessité et de nature, de ceux qui nous ont élevés. Au sortir de là, nous avons été façonnés par les leçons et les exemples de la société qui nous entourait, laquelle nous a transmis ses enseignements. Ce sont ces enseignements que nous, arrivés à un certain âge, nous avons coordonné, cousu plus ou moins mal, et que nous avons appelé notre raison et notre lumière. Or, c'est avec cette arme que nous allons combattre l'autorité de l'Église. Mais qu'est-ce que l'Église? Qu'a-t-elle de si relevé, que nous lui abandonnions la direction de notre raison? La réponse sera claire aussi. L'Église nous enseigne des dogmes et des préceptes. Or, elle nous avertit qu'elle n'a ni fait ni inventé ce qu'elle enseigne. Elle en est seulement la dépositaire, la conservatrice. Ce qu'elle sait, elle l'a reçu de la génération qui l'a précédée, et en remontant ainsi de génération en génération, d'année en année, elle arrive, non point à l'origine obscure et honteuse de l'homme, mais à l'origine des temps, au berceau du genre humain, au sein de Dieu, qui, en créant l'homme, lui donna des dogmes et des règles de morale, et le chargea de les conserver. L'Église possède les livres où sont renfermés ces dogmes, et nous montre Dieu rappelant le souvenir de ses révélations aux hommes, quand ils les avaient oubliées, les augmentant en diverses circonstances, enfin leur en donnant le complément par la bouche de son propre Fils, qui leur a dit tout ce que son Père lui avait fait connaître. Saint Jean 15, 15. Or, ce Fils forma une assemblée chargée spécialement de conserver et d'enseigner tous les dogmes révélés de Dieu, assemblée à qui il a donné un chef, promettant qu'elle ne faillirait pas, car, lui dit-il, voilà que je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles, Saint Matthieu, 28, 20. Or, cette assemblée, c'est l'Église. En effet, cette protection ne lui a pas manqué, depuis 18 siècles elle a existé, et elle existe encore, toujours niée, insultée, imitée, et si j'osais le dire, singée, par quelques sots ou quelques orgueilleux, mais subsistant malgré eux et après eux. Voilà l'Église, voilà l'autorité contre laquelle nous devons hardiment nous décider à lutter, si lutter nous voulons. On voit que la question s'est agrandie, et que, bien loin de répondre à Monsieur de Lamartine, c'est lui que nous attaquons, et que nous sommons d'avoir à considérer s'il est assez fort pour oser se mettre ainsi à faire de la religion sans l'Église. Nous le disons sans crainte, à lui et à tous ceux qui voudront faire des religions philosophiques. Vous n'êtes pas assez savant pour attaquer l'Église et nous imposer vos pensées. Vous émettez quelques assertions contre elle. Qu'est-ce que cela? Un enfant qui en émet de contraire a autant d'autorité que vous. Voyez, dans ce que vous avez dit contre elle, il y a telle assertion qui fera sourire de pitié un écolier, une jeune fille, tant il y a d'ignorance. Note. On sera bien aise de lire les paroles suivantes de Madame de Lamartine. On pourra sans peine y voir une désapprobation des rêveries philosophiques de son époux. Dans le voyage qu'elle fait à Jérusalem, elle a occasion de décrire une danse de derviches, qui, pour honorer la divinité, tournent longtemps sur eux-mêmes d'une manière effrayante. Elle fait à cette occasion les réflexions suivantes. Nous-mêmes où en serions-nous sans les enseignements du christianisme, qui sont venus éclairer notre raison? Serait-elle plus lumineuse que la sienne? L'histoire est là pour répondre. On trouve un Platon pour des milliers d'idolâtres. Tome 3, page 176, fin de la note. Nous le répétons, tant que vous ne direz rien de plus fort, vous ne méritez pas même que l'on fasse attention à vos paroles. Et si nous parlons avec cette insolence, c'est que nous en avons bien le droit. Car nous voulons bien, ô mon Dieu, être sans volonté, sans force, sans esprit, doux et docile devant votre Église, qu'on nous dise que nous sommes ignorants, crédules, faibles, faciles à conduire et à tromper, nous le supporterons. Nous briserons notre volonté, notre orgueil sous sa main. Nous serons timides et sans parole devant elle, comme un fils devant sa vieille mère. Car c'est vous qui le voulez, ô notre Dieu, et c'est nous qui le voulons aussi. Celui qui veut supporter ce qu'il supporte ne déchoit jamais de sa qualité d'homme. Mais quand un autre voudra essayer de nous asservir, en nous imposant sa volonté, sa raison, ses rêves, ô Dieu, c'est alors que notre raison se dressera devant lui de toute sa hauteur, elle lui demandera compte de cet essai de puissance qu'il veut exercer sur nous, lui, notre égal, le fils de la femme, ce tard venu, cet infirme mendiant de la société humaine. Nous le ferons, car vous-même vous nous y excitez, lorsque vous nous faites dire par votre apôtre, comment se fait-il que vous supportiez volontairement tant d'insensés, lorsque c'est vous qui y êtes sage? Car si quelqu'un veut vous faire ses esclaves, vous dévorer, prendre votre bien, s'élever orgueilleusement devant vous, vous frapper même au visage, vous le souffrez. Saint Paul, aux Corinthiens, 11, 19. Oh, non, nous ne le souffrirons pas. N'est-il pas vrai, nos amis, que vous ne le souffrirez pas? Et pourtant lorsque nous repoussons aussi énergiquement votre nouveau Messie, votre christianisme rationalisé et privé de sa hiérarchie et de son Église, oh, il ne faut pas croire, poète, que, comme vous, ou que, moins que vous, nous gémissions sur le malheur des temps, sur la confusion des esprits et le désordre des intelligences. Vous dites, il n'est point de langage ou de rythme mortel, ou de clairon de guerre ou de harpe d'autel, que ne brisa cent fois le souffle de mon âme, tout faiblit à son choc, et tout fond à sa flamme. Mais croiriez-vous par hasard que nous aussi, nous n'avons pas nos pensées aussi fortes, aussi énergiques, aussi brûlantes que les vôtres? Il faut que nous le disions, avouez à quelques autres penseurs, qu'aucun de vous n'aille croire être des hommes supérieurs, parce que vous avez beaucoup de pensées, parce que vous êtes tourmentés, harcelés, mis hors d'haleine par vos pensées. Toute la jeune génération en est là. Depuis que les barrières posées par la religion à nos intelligences ont été levées, la pensée, comme un immense tourbillon, a commencé à tourner, et à bouleverser l'âme humaine. Rien n'a pu ni ne pourra la calmer. Voyez, l'homme dit à son corps de supporter de rudes privations et de rudes travaux, et il les supporte, à son pied, de ne pas marcher, et il s'arrête, à ses yeux, de ne pas voir, et il ne voit pas, à sa langue de ne pas parler, et les paroles qu'il lui a consignées ne sortent pas de sa bouche, à son cœur, de ne pas prodiguer son amour, et dans un cloître, par exemple, toute une vie il attendra des amours éternels. Mais qui dira à sa pensée de cesser, et de donner quelque relâche à son âme? Jamais, jamais, toujours, toujours, elle est là, vivante, élancée, comme la flamme, active, elle gagne, insatiable, d'un objet à l'autre, et, comme la flamme, ce qu'elle semble caresser avec amour, elle le dévore. En vain vous la surchargez de travaux, espérant la vaincre par la fatigue. Espoir impuissant, le sommeil même ne peut la dompter. Quand le corps est vaincu, elle se réveille plus puissante encore. Ce que vous avez aimé ou haï durant la veille, elle se l'approprie, et elle l'embellit ou le souille durant le sommeil. Si c'est là votre mal, c'est aussi celui qui travaille plus ou moins toute notre génération, hommes et femmes, qui se sont élevés par l'instruction au-dessus de la science commune et vulgaire. Ceux qui n'ont ni croyance, ni foi, y périssent pour la plupart par consomption ou par violence. Pour les autres, la foi en l'Église, la soumission à ses paroles les calme et les console. Ils se reposent, non pas dans l'inaction, mais dans les sollicitudes, et dans les agitations d'une espérance qui n'a pas de bornes, et qui les lance dans les ravissantes joies d'un amour vrai, pur et fidèle, goûté sans fin dans un monde à venir. Vouloir plus qu'on ne peut avoir, faire entendre des plaintes sans résultat, cela est d'une âme faible et pusillanime. Vous nous parlez, poète, des destinées de la poésie, et la déshéritant de sa pensée toute divine, vous décidez qu'elle sera désormais toute rationnelle. Nous nous permettrons de ne pas croire comme vous, oui, il y aura encore de la poésie, mais elle ne sera pas seulement rationnelle, elle sera aussi religieuse et divine. Comme la poésie antique, elle sera en outre historique, traditionnelle et savante. Vous rappelez ce que disent les anciens, que les poètes d'autrefois, ces prophètes vénérés, ces rhapsodes des peuples, lorsque, dans leur voyage, ils venaient, pauvres et inconnus, s'asseoir au foyer de la famille, et qu'on leur demandait des chants, alors ils montaient les cordes de leur lyre, et ils chantaient l'origine des choses, le mouvement des astres, la naissance des dieux et des déesses, leurs apparitions et leurs incarnations parmi les hommes, les combats glorieux des demi-dieux, les exploits et les traverses des héros. Et toute la famille se pressait autour d'eux, et les guerriers, ces hommes de fer, qui avaient supporté tous les malheurs sans sourciller, alors vaincus, ils se couvraient la tête de leur manteau, et ils pleuraient. Eh bien, il en sera de même pour les poètes futurs, mais ils ne chanteront pas la triste histoire des égarements de la croyance humaine, la fausse histoire de notre Dieu et de nos patriarches. Les poètes futurs seront savants et instruits, ils connaîtront les temps passés, la véritable histoire de Dieu et de tous ses rapports avec les hommes, ils auront pénétré, non par les voyages, mais par la science, chez tous les peuples, et ils auront recueilli chez eux tous les lambeaux de la sagesse antique, dispersés parmi eux. Ces lambeaux précieux, ils les coordonneront et les restitueront à la révélation, d'où ils émanent. Ils sauront encore toute l'histoire de nos patriarches, les hauts faits qu'ils ont accomplis, ils nous diront sous quel nom, cachés jusqu'à ce jour, ils se trouvent les pères de tous les peuples, qui en ont gardé le souvenir. Ils chanteront le libérateur promis et attendu, les temps fixés et accomplis, ils nous diront la venue, la vie et la mort du Messie, et sa résurrection, et comment, au prix de sa vie, il a conquis une épouse qu'il s'est faite belle à jamais. Puis ils diront les combats et les triomphes de cette Église. Comme l'époux des cantiques, ils chanteront ces mamelles intarissables d'où s'est écoulé tout le lait, toutes les vertus, tous les progrès de la civilisation moderne. Voilà ce que les poètes futurs chanteront à ce siècle qu'il ignore, et le siècle, ébloui de ces chants inattendus, applaudira et pleurera de joie. Car ils le connaîtront bien, ce siècle, ils l'auront visité dans ses grandeurs et dans ses misères, dans ses palais et dans ses hôpitaux, dans ses cloîtres et dans ses théâtres, dans ses orgies et dans ses prières, sans en prendre le mal, ils en auront pris la science. Voilà, selon nous, les destinées de la poésie future. Nous savons bien que le poète qui doit faire ce poème prince n'est pas encore, mais il y a déjà des précurseurs dans ces jeunes chanteurs qui ont consacré hardiment leur voix à la cause du Christ et de l'Église. Vous le voyez, ce ne sont ni des rêveries ni des imaginations que nous demandons à nos poètes, mais de la science, et beaucoup de science. Il faut que leurs ouvrages soient vraiment le puits du vivant et du voyant, Genèse 16, 14, comme s'exprime notre Bible. Quant à vous et à votre livre, avouons que nous avons eu tort tous les deux, et faisons réparation et retour. Votre raison, ou votre poésie, comme il vous plaira de le dire, n'est pas encore assez grande, assez savante, assez nourrie. Le progrès après lequel elle aspire n'est pas encore réalisé pour elle. Qu'elle renonce à chanter ses matières, qui, comme vous l'ont dit d'autres voix, lui ont fait perdre toute la beauté de ses chants. Poète, faites chanter de nouveau à votre muse les lacs et les montagnes, les cieux et la terre, l'amour et ses religieux mystères. Donnez à cette jeune fille, donnez-lui de brillantes parures, de l'or, des perles, des rubans, des fleurs. Conduisez-la dans les campagnes, au milieu des bois, des prairies, des eaux. Le temps des pensées graves et de la science n'est pas encore venu pour elle. Et nous, en attendant, nous sourirons à ses jeux et à ses finesses, à ses pleurs et à ses chants, et nous serons indulgents à ses malices, à ses inexactitudes et à ses erreurs. Erreurs, inexactitudes, malices d'enfant. Mais, pour Dieu, n'allez pas lui faire reparler de religion nouvelle, ni tourner un œil arrogant contre l'Église, contre Jésus. Car nous aimons l'Église et Jésus. Et notre amour est un amour sincère, vivace, persistant. Il s'élève au-dessus des puissances et au-dessus des joies de ce monde, au-dessus de nos discordes et au-dessus de nos sympathies, au-dessus de la vie et au-dessus de la mort, au-dessus de tout ce qui n'est pas vous, ô notre grand Dieu. Signé des initiales A, B. Markemdanarchive.org, 2018, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.